السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على نعمه الكثيرة. Cela étant dit, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala d'une pleine louange pour les bienfaits immenses et indénombrables qu'il nous a accordés et qu'il cesse de nous accorder, subhanahu wa ta'ala, comme le bienfait de la foi, ainsi que celui de la science profitable, al-ilm al-nafi', son apprentissage, sa mise en pratique par son aide, subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'appel à cela et la patience face aux nuisances que l'on peut rencontrer dans ce chemin. Une chose est un bienfait immense pour celui qui médite sur cela. Un bienfait à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala permet au serviteur d'être préservé de la perdition et d'obtenir à l'inverse d'immenses et de nombreux gains et profits religieux et mondains. Comme il nous le dit subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, par le temps, l'homme, toute l'humanité, est en perdition, sauf ceux qui ont cru, accomplissent les œuvres pieuses, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِي فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. » Il nous dit, subhana, d'après l'essence du verset, dit, de la grâce de ton Seigneur et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir. Cela est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Cela est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Surat Yunus, verset 58. Et donc, la grâce citée dans le verset, ainsi que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont été expliquées par les savants du tafsir comme étant le Coran ainsi que l'islam. Cela est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent, que toutes les jouissances éphémères de ce bas monde. Ce bas monde, à propos duquel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde est maudit, ad-dunya mal'ouna, c'est-à-dire blâmable, mal'ouna ay mazmouma, blâmable, ainsi que tout ce qu'il contient, excepté le rappel d'Allah. Il a akhiri kalami sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version, excepté le savant et celui qui apprend. Donc nous le louons subhanahu wa ta'ala et lui demandons d'augmenter ses bienfaits sur nous et de les faire durer. Puis nous remercions aussi toute personne qui a contribué à ce bienfait dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est cette Daura Ilmiya. À leur tête, c'est la direction du Markaz Al-Ghuraba, ainsi que tous les enseignants et prêcheurs qui y participent, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir les efforts de chacun et de les récompenser, ainsi que chaque personne assistant à cette daura de la meilleure des manières, et qu'il nous permette subhanahu wa ta'ala de profiter des séries de cours de la meilleure des manières. Cela étant dit, le titre de l'épître, qui sera expliqué par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, a pour nom As-sayru ila Allah wa ad-dar al-akhir, le cheminement vers Allah et la demeure de l'au-delà. Un poème qui a été écrit par le noble savant, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a écrit ce poème alors qu'il avait moins de 26 ans, rahimahullah. Et donc, sans tarder, nous allons commencer dans l'explication du poème. Et pour comprendre le sujet que va traiter ce poème, il nous suffit premièrement de comprendre le titre qui lui a été donné. As-sayru ila Allah wa ad-dar al-akhir. Le cheminement vers Allah et la demeure de l'au-delà. Donc il comporte trois points. As-sayr, le cheminement vers Allah, ila Allah wa ad-dar al-akhir, la demeure de l'au-delà. Et pour mieux comprendre cela, il faut savoir, comme le citent les gens de science, que l'appel et le prêche des messagers tournent autour de trois points. Le premier, at-ta'rif billah, le fait de faire connaître Allah à ses serviteurs. Donc ici, il Allah. Deuxièmement, at-tariqa al-musila ilayhi, le fait de leur montrer le chemin menant à lui subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, leur informer de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé comme récompense pour celui qui chemine vers lui, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur va ici traiter le deuxième point, qui est at-tariqa al-munsila ilayhi. Donc, le chemin menant à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il va citer les étapes, les degrés, al-manazil, et les œuvres du cœur, de la langue ou des membres, par lesquels la personne qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers la demeure de l'au-delà devra obligatoirement passer. Il sera donc impossible pour le serviteur de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers la demeure de l'au-delà sans avoir concrétisé ces étapes et ces degrés de servitude que va citer l'auteur rahimahullah. Et donc, toute personne qui comprend et qui a la certitude quant au fait que cette demeure n'est qu'une demeure éphémère, comme a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, par Allah, l'exemple de ce bas monde n'est autre que l'exemple d'une personne qui trempe son doigt dans la mer, qui trempe son doigt dans la mer, qu'il regarde donc de quoi il en ressort. Donc celui qui a compris cela et qui a compris qu'il chemine dans ce bas monde constamment vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il chemine vers le paradis ou vers l'enfer, comprend l'importance de connaître ses manazil, ses degrés, ses étapes, ses stations, ses actions du cœur, des membres et de la langue qu'il doit emprunter pour pouvoir cheminer sur le bon chemin et atteindre son but qui est Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà. Donc l'auteur rahimahullah commence en nous disant سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, il nous dit rahimahullah. Heureux sont ceux qui des voies de la perte se sont écartés. Heureux sont ceux qui des voies de la perte se sont écartés. Et vers les degrés de l'agrément se sont dirigés. Donc l'auteur commence ici par ses propos dans lesquels il nous parle du bonheur. As-sa'ada. Heureux sont ceux qui des voies de la perte se sont écartés. As-sa'ada. Donc, ce qui nous montre et nous fait comprendre que les étapes et les degrés qu'il va citer permettent au serviteur d'atteindre as-sa'ada, donc le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il n'y a aucun doute quant au fait que toute personne, tout être humain, dans ce bas monde, recherche le bonheur à travers ce qu'il accomplit. Le pieux comme le pervers, le bienfaisant comme le malfaisant. Mais ce qui va différencier ces personnes, ce qui va faire qu'ils n'empruntent pas le même chemin pour y arriver, est la vision et la conception de chacun de ce qu'est le bonheur. Donc certains ont été guidés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir ce qu'est le bonheur, premièrement. Deuxièmement, où est-ce qu'il se trouve? Troisièmement, quelles sont les causes permettant d'obtenir le bonheur? Alors que d'autres, du fait qu'ils se sont détournés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la voie à laquelle il appelle subhanahu wa ta'ala, se sont égarés. À tel point où certains vont même chercher le bonheur dans des choses qui seront elles-mêmes les causes de leur malheur. Donc, il est obligatoire pour le serviteur de connaître ces trois points, qui sont: qu'est-ce que le bonheur premièrement? Où se trouve-t-il? Et comment l'obtenir? Quant au premier point, donc qui va être la réponse à la question qu'est-ce que le bonheur? Alors le bonheur, as-sa'ada, a été défini comme étant dawam as-silati billah wal uns bih. Dawam as-sila billah wal uns bih. Le fait que la personne soit constamment en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle ait le cœur apaisé quant au fait de se sentir proche de lui subhanahu wa ta'ala. Donc qu'elle soit agréée de lui et de tout ce qu'il décrète et de tout ce qui provient de lui subhanahu wa ta'ala. Dawam as-silati billah. Hadhi hiya as-sa'ada al-haqiqiyya. Donc une fois que nous avons compris cela, ici donc il est facile de comprendre et de connaître la réponse à la deuxième question qui est: dans quel endroit se trouve le bonheur? Alors la réponse est dans le cœur, fil qalb wa sadr, dans le cœur et la poitrine. Puis après cela, elle sera suivie par les membres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Il nous dit subhana, d'après l'essence du verset, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 28. Il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Et celui qu'Allah veut guider, il lui élargit la poitrine pour l'islam. Et quiconque il veut égarer, il lui rend sa poitrine étroite et pleine de gêne, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah afflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 125. Donc le bonheur se trouve dans le cœur. Et ensuite, il est suivi par les membres. Puis, quant à la troisième question qui est: comment obtenir le bonheur? Ou bien, quelles sont les causes qui mènent au bonheur? Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet: Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Il nous dit subhanahu, d'après l'essence du verset: quiconque accomplit des œuvres pieuses, mâles ou femelles, tout en étant croyant, nous lui ferons certainement vivre une bonne vie. Nous lui accorderons certainement une bonne vie, c'est-à-dire dans ce bas monde. Puis il dit subhanahu wa ta'ala: et nous les récompenserons du meilleur de ce qu'ils œuvraient, c'est-à-dire dans l'au-delà. Donc ici, quiconque accomplit des œuvres pieuses tout en étant croyant. La foi et les œuvres. Al-iman wal amal as-salih. La foi et les œuvres pieuses, qui sont la base donc et la plus immense cause permettant d'obtenir le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comme nous le cite Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala en parole. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et donc ce bonheur ne se trouve pas dans la concurrence de biens mondains, d'argent, de notoriété, ou autre chose pour lesquelles les gens ont l'habitude de se concurrencer et de considérer ou de penser que le bonheur se trouve dans cela. Donc ces choses qui sont certes des choses qui peuvent contribuer au bonheur de la personne s'ils sont accompagnés de foi et d'œuvres pieuses. Et dans le cas contraire, si jamais elles sont dénuées de foi et d'œuvres pieuses, alors elles seront pour le serviteur une source de chagrin et de malheur plus qu'un bonheur. Donc, dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, nous lui ferons certainement vivre une bonne vie, ou nous lui accorderons certainement une bonne vie. Cela par l'apaisement de son cœur, sa tranquillité, le fait qu'il soit agréé de tout ce qui lui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est comme cité as-sa'ada, le bonheur. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, à propos de ces personnes donc qui sont bienheureuses et qui ont obtenu le bonheur. Il nous dit, ceux qui dévoient de la perte se sont écartés et vers les degrés de l'agrément se sont dirigés. Donc ici, l'auteur nous cite une règle. Pour toute personne qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, cette règle qui est appelée At-takhliya wa at-tahliya. Donc, il consiste à s'écarter et délaisser tout ce qui va à l'encontre du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et par la suite de s'orner des œuvres et des actes permettant de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une négation et une affirmation que nous trouvons aussi dans la parole « La ilaha illallah ». Donc, celui qui souhaite cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir ces deux points. Le premier est la négation, qui va être la purification, qui consiste à, comme l'a cité l'auteur, s'écarter des chemins et des voies de la perdition. S'écarter des chemins et des voies de la perdition. Et l'auteur, rahimahullah, n'a pas dit le chemin ou la voie de la perdition, mais les voies de la perdition. Car comme nous le savons, la vérité et le chemin de la vérité est un seul. Et quant au chemin de la perdition, ils sont nombreux, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, « وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ » Et certes, ceci est mon chemin dans toutes ses rectitudes. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers, donc ici les sentiers au pluriel, qui vous écarte de sa voie. Surat al-An'am, les bestiaux, verset 153. Donc, ne suivez pas les sentiers au pluriel. Et quant à la vérité, donc, et la lumière, elle n'est qu'une. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos de ses alliés, il nous dit subhanahu wa ta'ala « وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » Et il les fait sortir des ténèbres au pluriel vers la lumière. Donc la lumière, au singulier, la vérité, n'est qu'une. Donc, ces personnes bienheureuses ont premièrement délaissé et se sont écartées des voies de la perdition. Donc, des voies qui empêchent de cheminer et d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a réuni les fondements de ces voies qui sont nombreuses. Donc, les fondements de ces voies qui empêchent de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces voies qui vont à l'encontre du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il les a réunis, il a réuni les fondements de ses voies, sous trois points. Il nous dit, rahimahullah, le premier des points, donc, qui est Hajr al-Awa'id. Donc le fait d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala ne peut se faire que par, premièrement, Hajru al-Awa'id. Donc le fait de délaisser ce qui est appelé Al-Awa'id. Al-Awa'id, qui sont les choses que les gens ont pour habitude de faire allant à l'encontre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui poussent le serviteur à délaisser la vérité. Ici, c'est un point qui apparaît clairement pour les personnes vivant en société où les gens ont pour habitude de mettre en avant les coutumes, Al-Adat, du peuple. Même si cela, comme cité, va à l'encontre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien pousse à délaisser la vérité. Donc, Hajru al-Awa'id. Deuxièmement, il nous dit Qat'a al-Awa'iq. Le fait de couper ce qui est appelé al-Awa'iq. Al-Awa'iq qui sont les choses qui vont empêcher de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il a dénombré lui-même, Ibn al-Qayyim rahimahullah, au nombre de 7. Premièrement, al-shirku wal-kufr, le polythéisme et la mécréance, que le serviteur corrige par le tawhid, le monothéisme pur. Puis, al-bid'a, l'innovation, que le serviteur corrige par la concrétisation du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam et l'attachement à la sunna. Puis, les grands péchés, al-kaba'ir, que le serviteur corrige et réforme par le repentir. Puis, les petits péchés que le serviteur ne doit pas négliger. Donc, les petits péchés qui vont s'accumuler au point d'avoir un impact immense sur le serviteur. Comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a donné cela en exemple dans sa parole, « Je vous mets en garde contre les péchés qui paraissent petits à vos yeux. » Leur exemple est celui d'un groupe de gens qui allument un feu. Celui-là vient avec une branche, donc il sera l'exemple d'un petit péché, et celui-là avec une autre, jusqu'à ce que cela devienne un grand feu. Donc, l'accumulation des petits péchés peut amener la personne à la perdition et fait partie des voies de la perte. Puis, le fait de se préoccuper des choses licites, de base, au point de délaisser le fait de multiplier les actes d'obéissance. Donc, il fait partie aussi des ruses de Shaitan lorsqu'il n'a pu faire tomber le serviteur dans ce qui a été cité précédemment, comme shirk, bid'a, grand péché et petit péché. Puis, sixièmement, le fait d'accomplir des œuvres moins méritoires en délaissant ce qui est plus méritoire. Comme une personne, par exemple, qui donne une aumône à une personne lointaine alors qu'il a auprès de lui un proche dans le besoin dont il est obligatoire de dépenser pour lui. Donc, ici, cette personne aura fait un acte méritoire, mais délaissé un acte plus méritoire. Donc, il fait aussi partie des rues de Shaitan, et dont la personne ne peut être préservée qu'à travers la science et le fiqh fid-din. Puis, il nous dit, le septième point est le fait que Shaitan pousse son armée parmi ses alliés, parmi les hommes et les djinns, à nuire à celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, à lui causer des nuisances. Et ce point, personne n'est épargné de ce point-là, même pas les prophètes et messagers. Donc ici, le serviteur devra s'armer de patience face à cela et persister dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit pour le troisième point, قَطْعُ الْعَلَائِقَ. Donc le fait de couper, encore une fois, الْعَلَائِقَ ici, qui sera le fait de délaisser tout ce à quoi s'accroche le cœur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce vers quoi le cœur se dirige en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'amour de sa personne, ou bien l'amour de bien mondain, ou bien l'amour de gens, d'un amour qu'il va faire prévaloir à celui qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui souhaite cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà, se doit de s'écarter et délaisser ses chemins et voies qui mènent à la perte, qui mènent à la perdition. Pour par la suite s'orner et se parer et se diriger, comme l'a cité l'auteur, vers les degrés de l'agrément. Donc, c'est-à-dire les œuvres pieuses, qu'il a citées comme étant les degrés de l'agrément, manazil ar-ridwan, les œuvres pieuses parmi les actes du cœur, des membres et de la langue, qui mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, des degrés que l'auteur va nous citer l'un après l'autre, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Il nous dit pour commencer, فَهُمُ الَّذِينَ أَخْلَصُوا فِي سَيْرِهِمْ مُتَشَرِّعِينَ بِشِرْعَةِ الْإِيمَانِ. Ils sont ceux qui ont été sincères dans leur avancée. Et aux enseignements de la foi, ils se sont conformés. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, commence à nous citer les premières manazil, les premières étapes, les premiers degrés, les premières œuvres par lesquelles le serviteur chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé par al-ikhlas wal-mutaba'a, la sincérité et la conformité au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui sont les deux premières étapes, qui sont les plus importantes des étapes et qui sont ici comparables au fondement de l'édifice. Et il n'y a aucun doute qu'aucun édifice ne peut tenir sans fondement. Donc, premièrement, al-ikhlas, la sincérité, qui a pour sens, en langue arabe, as-safa wa-naqa, la pureté et la netteté, la clarté. Donc, qui est le fait que l'auteur purifie son acte de toute chose venant se mêler à son intention. Et qu'elle soit donc l'intention pure et uniquement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et la conformité au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte que l'acte accompli soit conforme à ce avec quoi il est venu sallallahu alayhi wa sallam, loin de toute innovation ou suivi des passions. Donc, ces deux degrés et ces deux étapes qui sont la base et la condition d'acceptation de toute œuvre. Donc, la base pour l'acceptation de tout ce qui va suivre comme œuvre. La base du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Donc nous voyons dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit lequel sera le plus en œuvre, mais lequel sera le meilleur en œuvre. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, fut questionné quant au sens de ce verset. Lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre? Pour vous éprouver, lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre? Il a répondu, rahimahullah, c'est-à-dire le plus sincère et le plus conforme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il accomplisse des œuvres pieuses et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et nous dit aussi subhanahu wa ta'ala: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Dit, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Donc ce verset, car un peuple de gens a prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a alors fait descendre ce verset qui est appelé Ayatul Limtihan, le verset de l'examen. C'est-à-dire à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala examine et à travers lequel chacun peut examiner la véracité de son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela dans le suivi ou non du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le cite Cheikh l'Islam rahimahullah, comme nous le cite Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la sincérité et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam ne vont pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que le manque de suivi de la personne est un signe, montre un manque de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme le manque de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala est un signe et montre un manque du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, parmi ce qui va permettre aux serviteurs de concrétiser ces deux premières étapes qui sont donc les plus importantes, al-ikhlas wa al-mutaba'a, premièrement, l'apprentissage et la connaissance du tawhid, de sa réalité et de ce qui va à son encontre comme forme de shirk. Deuxièmement, l'apprentissage et la connaissance des états du messager sallallahu alayhi wa sallam, de ce sur quoi il était sallallahu alayhi wa sallam, sa sira, sa biographie et ses états. Al-imam ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit à ce sujet: puisque le bonheur du serviteur dans les deux demeures, donc dans ce bas monde et dans l'au-delà, est accroché à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire donc à toute personne qui est bonne conseillère envers son âme et qui souhaite son salut et son bonheur de connaître de sa guidée sallallahu alayhi wa sallam sa biographie ainsi que ses états, ce qui le fera sortir du nombre des ignorants et le fera entrer dans le groupe de ses suiveurs sallallahu alayhi wa sallam et de son parti. Puis il nous dit, rahimahullah, et les gens à ce sujet, c'est-à-dire quant à la connaissance de ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont entre celui qui a une grande part de cela, celui qui a une moindre part, et une personne qui a été privée de cela. Mahroumun. Intaha kalamuhu, hafidhahullah. Intaha kalamuhu, rahimahullah. Hada, wallahu alam. Et donc, nous continuerons, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, le reste de ces manazil, cités par l'auteur, rahimahullah, pour notre prochain cours. والحمدلله رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.